Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 5, du samedi 22 septembre 1883. Page 1, colonne 1. Revue étrangère. Les succès que les troupes françaises ont remportés au Tonkin ont créé en France une grande satisfaction. Même ceux qui désapprouvaient ouvertement la politique coloniale d'extension sont d'accord maintenant pour fêter le triomphe national. Malgré qu'il soit arrivé des choses imprévues, tendant à dépouiller les vainqueurs de quelques fruits de leur conquête, la République vient d'entrer en possession d'un empire qui, avec les récentes accessions du nord de l'Afrique et l'annexion possible de Madagascar, restaure la France dans son ancien haut rang de puissance coloniale. Il y a plus d'un siècle que l'ambition française avait tourné ses regards du côté du Tonkin comme d'un champ d'opérations militaires et commerciales d'un grand avantage. Les missionnaires français ont passé dans cette contrée il y a plusieurs générations et ils avaient acquis tant d'influence à la cour et parmi les populations qu'ils étaient considérés comme maîtres non seulement en religion, mais dans l'industrie, les arts et même en politique. L'histoire mentionne le nom d'un évêque français qui fut grandement intéressé dans l'empire d'Annam. Après plusieurs périodes de changements successifs, cet empire se trouve maintenant obligé de se soumettre devant la supériorité des armes de la France. Vers la fin du siècle dernier, une révolution eut pour résultat de mettre en fuite la famille régnante. Monseigneur Pignon de Béhaine, chargé des missions de ce pays, contribua à sauver le roi et la reine et à les mettre en sûreté, puis il se rendit en France pour chercher des secours. Mais dans ce dernier pays, la Grande Révolution était dans toute son intensité et il ne put réunir, pour s'en retourner à Cochinchine, qu'un petit corps de volontaires qui contribuèrent à la restauration du roi Jialong. Ce prince agrandit considérablement son royaume et fut, en fait, le fondateur de l'Empire d'Annam. Depuis lors, la France a toujours eu des représentants dans cette partie de l'Asie. En 1862, la colonie française de Cochinchine a été formellement établie. Quelques années plus tard, François Garnier fit des conquêtes qui auraient placé tout le Tonkin au pouvoir de la France si le gouvernement d'alors n'avait pas été engagé dans d'autres entreprises considérée comme plus importante. En 1874, il fut conclu un traité par lequel l'Annam se trouva placée sous le protectorat de la France. Depuis lors, les Annamites ont été continuellement accusés de violer les termes de ce traité et l'expédition de rivières a été organisée pour les obliger à la soumission. En même temps, il était admis que la situation offrait une occasion qui ne devait pas être négligée pour affirmer une politique coloniale définie et vigoureuse. Les résultats, quoique constituant une grande quantité de sang répandu et la perte du commandant Rivière, ont été favorables à la France, qui aura encore à lutter pendant plusieurs années contre la duplicité de la diplomatie asiatique pour établir définitivement son pouvoir dans ces contrées lointaines. Toutes les nouvelles authentiques au sujet des négociations franco-chinoises sont favorables à la paix. Pour le moment, l'émeute de Canton a été réprimée. Cette émeute a commencé lundi de la semaine dernière à 8h du matin par suite d'une querelle entre quelques Chinois et un Portugais de garde sur le quai. Pendant la dernière partie des troubles, quelques marchands se sont armés pour défendre leur propriété. Ils étaient au nombre de 12, 9 Allemands et 3 Anglais. Ils ont fait feu sur la foule, tué 5 Chinois et blessé plusieurs autres. L'arrivée des troupes chinoises a mis fin à l'émeute. Les Chinois ont affiché des placards sur les murs de la cité, applaudissant à l'action de la populace et excitant à tuer les Européens à la première occasion. Il y a toujours guerre ouverte des indigènes contre l'élément étranger et la présence des vaisseaux de guerre français, anglais et chinois est nécessaire pour maintenir l'ordre. La conférence qui a eu lieu vendredi dernier entre le comte de Granville et M. Waddington, l'ambassadeur français à Londres, a été satisfaisante. M. Waddington a déclaré que le gouvernement français était disposé à reconnaître la suzeraineté de la Chine sur la Nam, avec le droit d'investiture du monarque et de veto quant à la succession au trône. Il a aussi déclaré qu'il était disposé à discuter favorablement les propositions chinoises au sujet d'une zone neutre entre les frontières de la Chine et du protectorat français. Le marquis de Tseng, l'ambassadeur chinois, a eu une entrevue avec Lord Granville le même soir. On rapporte qu'il accepte la médiation de l'Angleterre pour la fixation de la zone neutre à condition d'en référer à Pékin. Ensuite de ces pourparlers, le ministre des Affaires étrangères à Londres a télégraphié à l'ambassadeur anglais à Pékin de l'acceptation des conditions par le gouvernement français en le chargeant de presser le gouvernement chinois d'arriver à un règlement définitif pour éviter d'ultérieures démonstrations d'hostilité contre les Européens. Le prix des produits chinois sur le marché de Londres n'ont subi aucun changement. La provision de thé n'est plus que pour 3 mois, et comme personne ne croit à la guerre, le commerce suit son cours ordinaire. La dernière bataille des Français contre les pavillons noirs a eu lieu le premier de ce mois. L'ennemi était en nombre et dans des positions retranchées. Après une lutte de 3 jours, les Français, au nombre de 1 500, ont emporté les positions et infligé de sérieuses pertes à l'ennemi. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike et est une production 2014 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention et à bientôt.